La concentration majeure d'activité et de vie intelligente dans l'univers réside au-delà du spectrum de la lumière visible, sur le plan soit astral ou mental de la réalité systémique. La duperie de la civilisation tient à son dogmatisme intellectuel rigide, ou naïf et spirituel vis-à-vis de l'interprétation de la réalité de l'univers. Ceci nous mène à surestimer notre probité intellectuelle et à convoiter la sécurité émotionnelle qu'offrent les spéculations théologiques, qui demeurent une mesure de ce à quoi nous souhaitons croire, selon les limites préétablies de notre foi historiquement conditionnée et de ses rituels sociaux. Nous avons tant sous-estimé, en termes absolus, la présence de dynamiques immuables d'un ordre cosmique fondé sur l'intelligence, se manifestant à travers la toile complexe d'influences interdimensionnelles qui agissent à travers nous, à peine au-delà du seuil de notre mental soi-disant conscient. L'évolution du mental, dans un avenir prévisible, surgira d'une profonde et réelle compréhension de la relation absolue qui nous relie, quoique inconsciemment et ce depuis la nuit des temps, à d'autres plans d'intelligence. Le mental ne peut atteindre, ni n'atteindra son plein développement que lorsqu'il aura surmonté les préjugés religieux et scientifiques implantés lors de la phase involutive de notre développement et de notre expérience planétaire. Jusqu'à ce jour se poursuivra notre participation aveugle à un réseau systémique de communication, dont l'accès total fut court-circuité chez l'homme à l'aube de l'histoire biblique. L'univers est peuplé de civilisations si avancées qu'un non-initié se verrait entraîné dans un maelstrom de contradictions et d'incrédulités qui serait affadir la plus fantastique des science-fictions. Confronté, sans préparation, au pouvoir révélateur et objectif du mental, les mystères de la vie causeraient un choc à sa conscience, menant à l'effondrement de ses fonctions normatives et, par conséquent, à une détresse existentielle aiguë. Le mental dégagé est un canal parfait à travers lequel l'éveil conscient à la réalité des mondes interdimensionnels est possible, suivant la pleine réalisation et la compréhension que les processus inconscients de la pensée personnelle sont simplement des voiles primaires qui dissimulent la dimension cosmique de la vie, de l'intelligence et de l'évolution civilisée. Or, l'orgueil dénaturé et l'étroitesse de la conscience égoïste est d'une ampleur à rendre littéralement impossible la croissance d'une race vers le savoir et la science des choses qui s'étendent au-delà de son seuil psychologique, jusqu'à ce que ses membres individuels se soient de même libérés de l'endoctrinement culturel qui transmet et maintient l'illusion du corps-esprit, en vertu de l'inexpérience historique à l'échelle de la masse. Le plein développement potentiel du mental doit inclure l'élément conscient télépathique afin que le moi ait l'avantage sur les formes illusoires inférieures de la spéculation mentale portant sur la nature des dimensions métaphysiques, qui s'étendent au-delà des apparences physiques. Le mental accorde une explication complète des mystères à chaque occasion où le moi se trouve prêt et disposé à procéder au-delà de l'illusion corps-esprit. Le fait d'accéder à une nouvelle psychologie mentale est la seule manière qui puisse impartir au moi la science des mécanismes occultes de sa propre évolution, et la science de la pensée en général. La communication de la pensée avec les circuits universels est la base d'une compréhension nouvelle et créative de l'intelligence et de sa source. Une fois la conscience ajustée au fait interdimensionnel de la réalité de la pensée, le mental offre généreusement au moi ce qui réside au-delà des frontières intellectuelles de la conscience égocentrique. La communion télépathique avec la pensée prépersonnelle accroît le champ de connaissances et instruit dans la science des choses à venir. La notion précédemment inimaginable de la politique cosmique devient réalité lorsque le moi voit à travers la pensée subjective et voit d'où elle procède réellement. Alors que se dévoilent les mystères, en vertu d'un éveil mental naturel et croissant, le moi pensant abandonne les présupposés et la myopie de ses positions purement intellectuelles. L'ignorance est un état d'esprit qui ne peut rendre une perception objective de la réalité, étant dépourvu de la maturité psychologique et psychique nécessaire à la dissociation de la perception mentale par rapport aux mémoires astrales qui restreignent l'éveil interdimensionnel. La politique est aussi présente et active au-delà du spectrum visible qu'elle l'est au sein de la dimension physique de la vie. Le principe fondamental de cette activité est dérivé de la loi de nécessité qui assujettit le pouvoir organisationnel de l'intelligence, qu'il soit visible ou invisible, aux besoins évolutifs de l'évolution sociopolitique de la conscience. Sur Terre, la politique cosmique est un vaste inconnu, dû, en partie, à l'éveil limité de la conscience humaine. En dépit de ce fait, elle influence les avancées sociopolitiques de l'homme. Les religions, à titre d'exemple, sont une part intégrale, quoique inconsciente, de la politique cosmique et exercent une influence durable sur l'humanité. La nature émotionnelle et attrayante de leur doctrine a tracé le chemin de l'évolution et élevé la conscience humaine à un niveau plus ou moins homogène de sentiments et de compréhension au sein de certains environnements, mais a échoué à apporter un savoir scientifique objectif des mystères et des forces créatives à l'œuvre derrière les conceptions physiques de la civilisation. Une fois délaissées les opinions subjectives et conditionnées portant sur l'univers, l'ampleur de la vie et de ses composantes cachées se fera évidente, à travers un mental non polarisé doté du pouvoir de soulever les voiles sur sa totalité vaste et multidimensionnelle. Les sciences physiques ont éradiqué les superstitions et déplacé le centre des croyances religieuses sans parvenir à éliminer la myopie inhérente à l'analyse purement intellectuelle. Nous avons progressé de la superstition à la science empirique, en ce qui concerne l'étude de la matière, sans parvenir à progresser de la superstition à la science dans l'étude de la pensée, un préalable à la compréhension des mystères. Le mental, sous sa forme personnalisée et actualisée à travers le cerveau, génère des sons électromagnétiques nommés pensées. Lorsque son potentiel électrique est élevé par la compréhension consciente et l'affinement interne du processus de la pensée, il s'étend et devient apte à révéler des facettes occultes de la réalité, inatteignables par les formes moins vibrantes de la démarche intellectuelle conditionnée. L'univers, dans son état visible et invisible, peut être étudié et compris lorsqu'une liberté mentale objective a été atteinte. Le mental est un phénomène magnétique. Lorsque le mental d'une civilisation a été façonné par le processus historique, les individus sont forcés de se conformer à des notions pouvant ou ne pouvant être en accord avec la réalité. Ainsi, l'héritage des formes de savoir véritable réduit l'effet débilitant d'une ignorance sanctionnée et de ses conséquences pour l'évolution et la croissance d'une compréhension consciente. La pensée de masse aliène le mental et retarde la croissance personnelle. Aujourd'hui, les nations avancées ne parviennent plus à contenir leur conscience collective, alors que les citoyens en viennent à se sentir toujours plus alignés par rapport à eux-mêmes. Les pathologies mentales sont à la hausse, à un moment où la science a édifié l'abondance en termes quantitatifs, à un niveau jamais atteint auparavant dans l'histoire de la civilisation. La croissance parallèle d'un éveil doit s'opérer, sans quoi le contrôle des dégâts menace de devenir, avec le temps, une tâche impossible à relever alors que des individus s'enlisent imperceptiblement vers un déséquilibre psychique. La conscience d'une nation ne peut s'écarter d'un développement sain et édifiant au-delà d'un certain point et d'un certain temps, sans quoi elle risque de s'immobiliser. Les masses deviennent alors porteuses d'une culpabilité nationale, alors que leurs membres respectifs se voient engouffrés et magnétisés par le processus négatif de la dépression psychique des corps collectifs, mental et émotionnel. Les instances au pouvoir prennent en compte l'étoffe délicate de la conscience sociale. Le motif de leur politique se conforme, de tout temps, au besoin de maintenir l'équilibre social, nourrissant un effort perpétuel visant à mieux assurer son maintien. Avec le temps, cette tâche se fera plus difficile alors que de nouvelles forces surgiront, visant l'expansion du mental par des moyens infimes à travers le monde. Au moment où la conscience accélère et procède du collectif à l'individuel, la société menacera moins l'évolution individuelle et un nouveau facteur de croissance focalisera le lien entre les dimensions physiques et psychiques. Le mental se développera graduellement en un nouveau centre de force, un nouveau jour naîtra, et l'homme ne sera plus jamais le même. La culture n'a jamais été globalement adaptée au pouvoir révélateur du mental. Les quelques témoins de sa réalité furent maintenus au secret, leur expérience ensevelie avec d'autres secrets appartenant aux ères révolues. Le mental n'est pas tel que nous l'avons conçu, de manière générale. En tant qu'expression interdimensionnelle contrôlée de forces psychiques se mouvant à travers l'individu, il dissimule une puissante cosmicité. Historiquement, il fut encadré et contenu au sein de conventions psychologiques, dans l'attente que l'homme fasse son entrée dans un cycle évolutionnaire ascendant, ou une ère nouvelle. Les civilisations sont, et furent toujours protégées du pouvoir des forces occultes du mental, ce qui déjoua leur déclin précipité. Le déclin progressif de la civilisation telle que nous la connaissons est déjà entamé. La jonction historique du mental nouveau et de la civilisation contemporaine est une question de temps, et va au-delà de l'interférence humaine. La manifestation déliée du mental ne peut avoir lieu dans un vacuum scientifique. La science moderne devait précéder le développement paranormal du mental, au-delà de son lien astral. Alors que la science progresse et repousse les frontières de l'étude de la matière, L'enquête humaine portant sur les études psychiques se voit mise en avant, par la même occasion, en vue d'établir une affinité des plus nécessaires entre les domaines matériels, astral et éthérique. À ce stade d'évolution, le mental demeure une expression inconsciente et non intégrée du rapport subliminal avec l'intelligence interdimensionnelle. Sous ces formes d'expression créative supérieure et plus puissante, communément qualifiée d'inspiration, les grands de ce monde ont ressenti son éthéréalité inexpliquée et sa nature fréquemment paranormale, sans pouvoir s'y adresser au-delà de leur appréciation subjective. Les êtres sensibles ont tissé en sa matière psychique une innocence spirituelle, incapables de comprendre pleinement ses lois internes, au-delà des conventions nébuleuses de l'extrapolation astrale. Nous craignons, ou sommes perplexes devant le continuum interdimensionnel psychique qui se manifeste lorsque le moi a atteint un certain niveau d'évolution mentale. Nous ne possédons pas encore les outils nécessaires à ce que nous puissions traiter, de manière convenable, avec les influences astrales qui colorent nos perceptions mentales, nous imposant un déséquilibre constant et délicat causé par la présence de divers plans non intégrés d'intelligence interagissant avec nos valeurs psychologiques. Mais dès lors que les voiles astraux ont été délaissées, la conscience de soi se voit suffisamment altérée et le mental devient un vaste réservoir d'énergie créative, sous la tutelle d'une force prépersonnelle supérieure qui se fait ressentir depuis les éthers mentaux, et libre des dimensions inférieures de la mémoire astrale. Lorsque le mental est en équilibre parfait sur son plan mental, il atteint les hauteurs stratosphériques, là où le moi se voit instruit dans les sciences de la vie, de la mort et de l'évolution personnelle et universelle, avec tous ses mondes et son savoir vivifiant et régénérateur. Il accorde une étendue aux vertus académiques de l'intellect et élimine la spiritualité naïve de l'ego ignare. L'ouverture du canal mental va de pair avec l'évolution d'un ordre cosmique. Les conséquences pour l'homme sont telles qu'on ne peut pleinement s'en prévaloir tant qu'un besoin suffisant se soit manifesté. La loi de nécessité prévaut en ce qui concerne l'élévation du mental à un niveau mental supérieur. L'éveil à une connexion mentale prépersonnelle met en évidence le fait que des correspondances existent entre les plans physiques, astral et mental devant, en temps voulu, être intégrés à l'expérience consciente. Les forces évolutives seront alors réalignées en vue de permettre aux éléments évolués de la race humaine de poursuivre le chemin menant à la rencontre de leurs besoins psychologiques et psychiques. Le mental n'est pas simplement une arène où la pensée est générée mais un canal pour le contact conscient de la pensée avec d'autres niveaux, à partir duquel les pouvoirs formidables de l'intelligence cosmique dirigent les forces évolutives de la vie sur le globe et au-delà. Il importe de noter que l'homme ne possède que peu de connaissances profondes et objectives portant sur ses mécanismes, au-delà de l'intellect. Quoi qu'il sache, ou estime savoir n'est qu'un fragment limité d'intelligence qui prend part, mécaniquement, à la constitution primaire de l'autoréflexion. L'évolution générationnelle des ordinateurs aura lieu, tout comme celle du mental humain. Lorsque les ordinateurs auront atteint la 7e génération, l'homme sera entré en rapport conscient avec d'autres niveaux dans l'univers, à travers la communication de la pensée. Aussi longtemps que la preuve scientifique est requise pour évaluer la réalité, le mental est sous la gouverne des sens et l'intelligence demeure inatteignable. Le mental est un canal, dans le sens objectif du terme, et la perception objective de ceci réduit la coloration du processus de la pensée par les forces astrales et libère la conscience de soi de la domination de l'âme. Le mental vibre naturellement à la dimension universelle, et son niveau psy peut être rendu accessible à la conscience de soi, dès lors que cette dernière a objectivé sa relation et perfectionné son lien avec les courants des vies prépersonnelles. Ce lien avec l'intelligence interdimensionnelle ne peut être exploré que lorsque le moi aura pris acte de l'illusion selon laquelle la pensée est issue de la personnalité. L'ascendance de la science physique moderne a retenti dans les couloirs du dogmatisme théologique. Il en sera de même à l'ère post-moderne, lorsque le dogmatisme et le statu quo des sciences matérialistes seront troublés, à leur tour, par des réalisations qui transcendent leurs principes fondamentaux. La complaisance psychologique va de pair avec le besoin de ne pas troubler le fait bien ancré que la vie est trop courte pour être changée, alors que nous inférons aisément que la vie est sa propre doyenne. L'homme n'est guère opposé à une nouvelle connaissance, mais plutôt à l'inconfort temporaire qu'elle engendre. L'exploration des lois du mental créera le choc nécessaire au délogement d'attitudes égocentriques séculaires. Ce changement radical initie le contact avec des notions qui mènent la conscience humaine au fait cosmique de la communication interdimensionnelle avec des plans de réalité qui, par le passé, ont toujours eu partie liée au royaume spirituel de l'après-vie. Aucune vérité n'est plus éloignée de la réalité que lorsque la mort ne représente que le vacuum spatio-temporel de la personnalité, suite à l'abandon de l'enveloppe physique par l'âme. Au-delà de la mort, l'univers évolue en vertu de l'assistance d'intelligence macrocosmique et de pouvoirs hautement définissables, dont la connaissance scientifique de l'univers et de ses lois a constitué le pilier des ordres évolutifs architecturaux depuis l'aube de la vie. Ils ont maintenu leur collaboration avec une race humaine, dans un effort continu et ascendant visant à libérer l'homme des influences asservissantes de l'âme des morts sur son mental endormi d'un profond sommeil. Le mental est la voie que parcourt la pensée, à travers des éthers correspondant à des dimensions de lumière, ou mondes semblables aux nôtres mais qui diffèrent en densité. L'ère postmoderne rompra les chaînes de l'illusion psychologique qui présente la pensée telle un phénomène strictement personnel, illusion logique maintenue tout au long des siècles d'ignorance à l'égard des mystères. Nous avons, pendant des milliers d'années, été accablés par le fait inaliénable de leur insolubilité, et n'avons jamais reconnu la liberté et le pouvoir interne pouvant les résoudre en vertu de l'activité créative du mental non pollué. Les mystères ne sont que les limites psychologiques créées, au cours de l'histoire, par l'acceptation aveugle et l'accumulation de notions égocentriques, issues de la crainte d'une castration morale ou psychologique. Une telle crainte est une constante morale, vécue lorsque le mental développe une dépendance envers des absolus sanctionnés par l'histoire, maintenus comme des points d'ancrage pour des idées subjectives et cultivées, au prix d'une réelle liberté mentale. L'homme doit créer sa propre révolution interne afin d'évoluer. Elle ne peut provenir, ni ne viendra de l'extérieur. Les révolutions externes ne sont que le résultat d'un besoin interne de liberté, mal avisé en raison de l'incapacité qu'éprouve le moi à briser ses propres chaînes, qu'il affectionne. Nous concevons la conscience comme un état d'esprit. Elle est en fait un amalgame instantané de pure intelligence et de mémoire d'âme, dont les proportions varient selon le statut évolutionnaire de l'âme. Les deux principes convergent pour créer en l'homme sa double nature, humaine et cosmique. La première lui est familière, la souffrance psychologique correspondant à une condition existentielle fort colorée par une ignorance fondamentale et historique des lois du mental. Il revient à la seconde de confronter, en termes universels, la conscience humaine puisqu'elle correspond à la dimension externe de la réalité à laquelle l'âme est reliée, au-delà du plan astral de la mort. L'âme n'est qu'un aspect de la dimension humaine alors que le moi supérieur, ou le double en représente la contrepartie. Les deux doivent éventuellement s'unir afin qu'ils puissent ordonner et mettre en œuvre le processus de la conscience. L'homme est le point terminal de la conscience et l'âme en est son aspect mémoriel, alors que le double, ou l'esprit gouverne toute la gamme d'énergie émergeant de la source cosmique universelle de force dirigeant l'évolution des formes vitales. Tous de former, par le biais du développement évolutif, une triade créative contre laquelle les forces astrales de la mort sont impuissantes. La psychologie du mental, dans la mesure où elle se réfère à l'identité de la pensée, est encore à son enfance et universellement inconnue. Ceci est dû, en partie, au fait que la nature humaine a été gouvernée et manipulée par des forces astrales greffées à un domaine de la conscience se trouvant retranché des plans mentaux d'où il tire son origine. Les fléaux qui accablent l'humanité depuis les temps immémoriaux, furent disséminés à travers l'inconscience et l'ignorance de l'ego. L'irréductibilité de ce fait peut être facilement mise à l'épreuve et vérifiée par l'étude de la communication psychique et des révélations divulguées par des entités intentionnées, dont la présence est voilée à l'intellect. Dans l'univers du mental, la violence provient du monde de la mort, en raison du fait que ces entités se sentent dépossédées de la vie. Leur seul recours réside dans leur capacité insoupçonnée de manipuler la nature humaine. Dès lors qu'ils en ont la possibilité, ils magnétisent le mental à travers les émotions vécues par l'âme en évolution. Ils savent qu'ils ne peuvent pas évoluer au-delà d'un certain point en forme astrale et que leur retour sur Terre est sujet à des lois cosmiques ne pouvant être transgressées. Le temps ne leur est que souffrance, jusqu'à ce qu'ils aient atteint, au cours de longs cycles successifs d'évolution, le statut de fusion, ou d'unité avec leur source de pensée individuelle, ou double dont la seule tutelle permet que la conscience pure devienne permanente et déliée, en forme et en fonction. Faute de ceci, l'âme en chair est influencée, dans bien des cas, Régie depuis le plan astral auquel elle est karmiquement reliée à travers un passé mémoriel et expérientiel considérable. Les mois supérieurs, ou ajusteurs de pensée, sont des intelligences dont le rôle est d'infuser la conscience humaine de pensées vibratoires correspondant au statut évolutionnaire de leur âme respective. Ils visent l'unité consciente potentielle, ou fusion avec l'âme au gré de la progression de cette dernière vers la phase finale du processus incarnationnel. Ils évoluent dans des mondes qui leur sont propres, et qui correspondent à notre activité mentale. Leur présence à travers l'univers est grandiose et leur permanence dans le temps dépasse notre compréhension limitée. Leurs activités évolutives sont toutes vouées au développement conscient du mental. Les ajusteurs de pensée sont des êtres de lumière de plein droit. Ils n'ont jamais participé, ni ne prendront part à l'évolution physique. Leur propre évolution est si avancée qu'elle forme la base des mystères qui ont tourmenté la conscience humaine depuis l'aube de l'histoire. À travers l'évolution d'une conscience supérieure et le développement d'une psychologie créative du mental, transmise directement depuis un plan supramental de conscience, le moi accède à des idées ne pouvant faire l'objet de la spéculation intellectuelle. La psychologie supramentale libère l'ego du fardeau de l'imagination subjective et permet le développement d'un contact plus libre de la pensée avec des plans mentaux d'où procède le plus haut degré de la pensée créative, dans le cycle actuel de l'évolution civilisée. Les rouages du mental sont parfaitement compris lorsque le moi est libéré de concepts qui l'enchaînent à l'illusion corps-esprit. Le fait que le mental est un phénomène de communication de la pensée par lequel les idées, ou les pensées circulent instantanément, de part et d'autre, lorsque l'écart temporel entre l'ego et le moi supérieur a été comblé, apparaît alors réel en termes objectifs. Le concept de l'ajusteur de pensée est essentiel à la compréhension des facettes occultes du processus de la pensée. Sans ce savoir capital, il est impossible de se libérer de l'illusion de la pensée personnalisée et de graviter vers des notions plus englobantes de la réalité. La symétrie du mental doit être fracturée afin que soient dégagés les aspects particuliers pouvant être adressés à travers un dialogue conscient avec sa source. L'activité du mental doit devenir un dialogue, ou un processus de communication, où la relation entre le destinataire et l'émetteur ne fait qu'un. Les illusions physiques de la relation corps-esprit peuvent alors être outrepassées, lorsque le moi réalise un fait qui ne peut être écarté par l'action réflexe du mental inférieur, l'intellect. Le savoir révolutionnaire de l'intelligence supramentale donnera accès à des perspectives plus vastes qui défient l'imagination. Au gré de l'inexorable progrès scientifique, le mental en fera autant. Les enquêtes portant sur un nouvel ordre s'imposeront à la conscience afin que les avancées scientifiques matérielles soient harmonisées aux sciences astrales et mentales, portant sur l'espace et le temps interdimensionnel. De nouvelles notions surgiront, afin que soient harmonisés les contours rudimentaires de la pensée scientifique, favorisant le besoin émergent d'une croissance mentale au-delà des limites de la pensée personnalisée. Le besoin d'un entendement supérieur et englobant se fera sentir, d'emblée auprès des membres plus individués et matures de la race, et au fil du temps au sein des masses, là où la culture a plané les forces psychologiques et psychiques dont sont mues les nations. Ce nouveau cycle s'étendra sur une période d'environ 2500 ans, suite à laquelle l'humanité entamera son évolution jupitérienne, ne nécessitant plus son véhicule physique dans la poursuite de la rencontre cosmique avec d'autres civilisations et univers. Chapitre 10. Et la pollution des ELI pensée. La pollution de la pensée est un agrégat arbitraire d'idées incompatibles avec la réalité psychique. Elle mène à la dégénérescence de l'harmonie entre le moi et sa nature interne. L'incapacité d'interrompre le cycle continu d'idées dissonantes crée un courant de conscience qui constitue un facteur déterminant pour la croissance de l'intelligence mécanique inconsciente, au sein du moi pollué. La notion d'un libre arbitre sous-tendant la présomption psychologique de la pensée personnalisée et de l'autonomie du processus de la pensée inconsciente est illusoire, et la persistance à maintenir cette notion accroît les niveaux de pollution de la pensée, tant sur le plan personnel que collectif. Elle ignore le rôle de l'intelligence interdimensionnelle, qui consiste à assister ou à retarder l'évolution de la conscience. La pollution de la pensée résulte de la méconnaissance des mécanismes occultes internes de la conscience. Les conséquences pour l'homme et son monde sont d'une ampleur à déstabiliser l'équilibre délicat des forces de vie, à tous les niveaux de réalité de l'être. La pollution matérielle et psychologique de la vie est la conséquence inéluctable de la pollution mentale, et la vie contemporaine concourt à sa qualité par les illusions qu'elle entretient et perpétue. Le mur du son a été franchi, mais il nous reste à traverser le mur de la lumière. Cette étape ultime aura lieu lorsque le mental aura été libéré de la pollution de la pensée. Le fait même de dévoiler un savoir essentiel à la compréhension de notre partenariat créatif avec les dimensions parallèles et notre raison d'être sur ce plan matériel. Ce n'est que lorsque nous nous serons libérés des idées égoïstes et polluantes pour le mental que nous transmuterons l'énergie nécessaire à l'acquisition d'une science pouvant rendre possible l'association libre et créative avec des intelligences opérant et évoluant sous des conditions différentes des nôtres. La pollution de la pensée bride la conscience au point de rendre la vie sur Terre un enfer, ou un paradis illusoire. Elle se combine à l'impuissance totale de l'ego et contribue aux antagonismes de notre civilisation. Elle muselle le comportement par la dynamique de motifs psychologiques qui dispersent la réalité et entravent l'accès libre aux dimensions psychiques du mental. La science contemporaine masque la conscience. Elle ne peut libérer l'homme des maillons de la gravité et du continuum de l'espace physique. Ce n'est que lorsque la science de la pensée aura été pleinement établie et intégrée que la civilisation ascendante prendra racine et entamera le renversement de la tendance dégénérative de la conscience planétaire. D'ici là, nous perpétuerons nos illusions et persisterons à utiliser notre énergie pour un rendement décroissant, dans un champ d'inconscience dont seule la mort peut nous affranchir. La différence entre la pensée consciente et inconsciente est égale à la différence entre la métaphysique et la physique. La compréhension des forces sous-jacentes de la pensée et de leur origine est une part inextricable du développement évolutif de la conscience. Elle ne peut être acquise sans l'élimination de la pollution de la pensée qui infirme la volonté de savoir et affaiblit le pouvoir de fracasser les mystères qui brouillent le mental. Le fait de dégager de tels mystères transforme le champ de force humain et le protège de la pollution globale de la sphère biopsychique, qui maintient une emprise sur l'organisme humain, exercée par le biais de la programmation génétique des forces de vie, empreinte depuis le plan astral ou de l'âme. La pollution de la pensée réprime l'homme à un tel point que sa conscience requiert des systèmes de soutien psychologique afin qu'il puisse progresser dans la vie. Le mécontentement perpétuel de la vie résulte de son incapacité psychique à libérer ses pensées du programme génétique de l'âme. Par conséquent, il ne peut être heureux sur Terre. Son ego ne peut trouver satisfaction dans le fait que la pensée est simplement de l'énergie prépersonnelle, ajustée vibratoirement pour s'accorder au profil de la personnalité de l'âme. Le besoin d'identification à la pensée contraint l'ego à entreprendre une quête de soi plutôt qu'à utiliser la pensée comme une catapulte créative vers la voie de la découverte. La pollution de la pensée est une telle part de notre mentalité subjective que nous ne pouvons concevoir la nature de la vie. Nous vivons en marge de la conscience et renonçons à notre droit d'intervenir créativement dans son processus global. Plutôt que de créer des conditions favorables à l'évolution personnelle intelligente, nous nous soumettons à des forces qui influent constamment sur nos émotions à travers des pensées subjectives polluées, limitant notre capacité mentale à nous dissocier de la pollution de la pensée qui entrave notre compréhension de la nature et du mouvement subtil de l'énergie vibratoire. La conscience humaine se nourrit d'émotions et accumule l'expérience alors que les impressions influencent et magnétisent le mental. La pollution varie selon l'expérience requise par l'âme, jusqu'à ce que la liberté d'un tel conditionnement astral ait été apprise. Avec l'âge, l'ego se voit soumis à une angoisse existentielle accrue et contribue, inconsciemment, aux lois mécaniques du système social, court-circuitant le courant d'énergie depuis les dimensions supérieures aux dimensions inférieures de sa conscience psychique et matérielle. En tenant compte du fait que nous vivons un parcours de développement expérientiel, nous n'avons que peu accès à notre réalité intégrale et sommes contraints à vivre selon les forces qui conditionnent notre inconscience. Nous sommes en quête des réponses aux dilemmes de notre vie, mais nous ne les trouvons jamais dans une jungle d'idées qui n'ont aucun fondement réel dans le champ du mental conscient. La pollution de la pensée déforme la réalité égoïque, ce qui rend impossible le fait même d'entretenir une communication consciente avec un niveau mental supérieur, là où l'énergie de la pensée est engendrée par l'individu lui-même. Le lien psychique entre l'ego, l'âme et la source éthérique du mental demeure inaccessible. Il est inconcevable que la psyché soit libre jusqu'à ce que le pouvoir isolant de la pensée polluée ait été retiré de celle-ci. Ce n'est qu'alors que nous pouvons réaliser qu'une part considérable de la connaissance partielle, voire de toute la connaissance que nous cautionnons est étrangère aux lois dynamiques de l'intelligence créative. La pollution de la pensée est formée de la consommation et de la présomption incessante d'idées et d'idéologies subjectives, qui de nos voeux pourraient combler le vide qu'elles ont elles-mêmes créé. Elle résume l'insécurité de l'ego, dans un monde qui se transforme rapidement en super bowl d'impressions dont le mental ne peut s'extraire, à moins qu'il ne développe la volonté de confronter seul son portrait psychique. La pollution du mental humain a atteint son niveau maximal et le plus subtil depuis l'aube de la conscience civilisée. Le système, qu'il soit laïque ou religieux, a produit des idées, au sommet, qui ne coïncident guère avec la réalité psychique à la base. Il a augmenté la vulnérabilité de l'ego à un niveau périlleux et créé une masse psychique de pollution mentale, ou d'égrégores qui amortissent la sensibilité humaine. La commercialisation de la vie a augmenté la division entre les hommes et favorisé une qualité de pollution mentale jamais atteinte dans les annales de la civilisation. Alors que la vie opérera une transition, de l'emprise idéologique des religions et de la politique à celle de l'économie, elle fera davantage violence à la nature humaine, forçant les individus plus évolués à se retirer des alcôves de la sagesse conventionnelle. La pollution de la pensée augmente en raison de l'incapacité de soutenir et de cultiver les qualités internes de la connaissance de soi. Alors que le monde se transforme rapidement en un théâtre d'incongruité, il nous est toujours plus difficile de nous soustraire à une pollution qui ronge le noyau même de notre être. Le problème irrésolu de la pollution, tel qu'il est vécu dans notre environnement psychique, est proportionnel à son égrégore, tel qu'il est vécu au niveau individuel et collectif, une preuve en soi que l'état de la psyché et la qualité de la civilisation sont intimement liés. La nature humaine cherchera toujours un plus grand équilibre entre le monde physique et le monde du mental. Son destin est guidé et soutenu par l'intelligence, selon un cadre devant coïncider avec un potentiel créatif. Aucune quantité de pollution mentale, qu'elle soit exquise par son raffinement ou visiblement décadente, ne saurait paralyser une société indéfiniment à travers l'esclavage d'impressions qui ne correspondent pas à la réalité psychique déliée de l'homme. Le mental inconscient peut s'ajuster temporairement à la pollution mentale, mais la flamme interne du moi ne s'éteint jamais. La pollution psychique est proportionnelle à notre degré d'ignorance face à nous-mêmes. Elle augmente selon notre incapacité de vivre en accord avec un plan, ou un destin correspondant à notre moi individualisé, où l'âme et l'esprit ne font qu'un grâce à un processus de fusion qui met en exergue la personne plutôt que la personnalité. Il n'est guère dans notre intérêt de soutenir des idées et impressions ne correspondant pas à notre connaissance interne. Le moi est si fragmenté par l'accumulation inconsciente de pensées, ou de sentiments auto-justifiés, que sa mémoire s'immisce constamment dans le mouvement de l'énergie créative. Asphyxié par le poids de la mémoire inconsciente, il perd contact avec sa dimension interne, menaçant l'équilibre délicat entre les dynamiques externes et internes de la conscience. La pollution de la pensée empêche que l'individu puisse réaliser l'unicité de sa nature. Elle le rend inapte à être entièrement lui-même, entravant le plein développement de son potentiel à titre d'être créativement conscient. Ceci constitue une mesure du manque de développement réel vers une identité intégrée. Alors qu'elle reflète un état d'esprit hautement personnel, elle constitue aussi le médium de la civilisation dans laquelle nous vivons. Nous ne pouvons nous dissocier de son impact social, mais encore faut-il que nous nous libérions de sa contamination. Le dilemme réside dans le fait que notre incapacité de vivre selon nos conditions internes de liberté et de connaissance psychique implique une incapacité à nous prémunir de la servitude qu'engendre la pollution sociale. La pollution de la pensée augmente selon notre incapacité à penser à l'aide d'un centre mental individualisé. Nos pensées sont artificiellement construites à partir d'idées astralisées dont nous ne sommes pas les architectes. L'accumulation aléatoire d'idées non filtrées par le mental conscient entrave le développement de nos centres psychiques. Ceci nous transforme en penseurs mécaniques dont les pensées sont colorées par la personnalité plutôt que développées par l'intelligence de l'être. Selon l'impact social exercé sur la personnalité, la pollution de la pensée affectera les modes de comportement, accordant peu d'espace à l'action créative. La dimension astrale de la pollution de la pensée est d'une telle importance qu'il est impossible à l'homme de réaliser sa nature sans qu'il ait acquis une certaine notion des forces astrales à l'œuvre au sein de son mental. La conscience de la pollution astrale dans la pensée fait transparaître l'essence de la conscience. Elle permet une compréhension lucide et profonde des aberrations psychiques et des distorsions créées au sein de la psyché collective par les forces involutives de la civilisation. La conséquence inéluctable, Pour l'ego inconscient, est la pollution de l'expérience de la pensée par l'influence du plan de la mort. La pollution astrale provient de la manipulation du mental par des forces subliminales intemporelles qui atteignent l'expérience physique par la coloration subjective de la pensée, traitée de manière réfléchie au sein du processus égocentrique de celle-ci. Nous ne pouvons penser consciemment à moins de n'être avertis des influences dont s'imprègne notre mental. La pollution de la pensée est une greffe cumulative de formes inférieures d'intelligence émanant de mondes parallèles vers le corps mental. Cette activité occulte est à l'origine de la conscience égocentrique, aveugle par le fait que la notion même de force issue de mondes parallèles et affectant la conscience humaine est si étrangère à notre vision rationnelle de la réalité. Nous nous retrouvons involontairement à la merci de forces psychiques qui nous induisent à penser que nous sommes des agents libres. La liberté réelle ne peut être atteinte que par la compréhension de la métaphysique de la pensée, dimension occulte de la réalité psychique. L'ego possède sa structure de pouvoir occulte, tout comme la civilisation, et ce soubassement est animé par la manipulation astrale de la conscience qui dépend de l'ignorance psychique. L'expérience humaine, ainsi influencée, correspond au niveau d'évolution et des besoins de l'âme, sa fondation psychique. La pollution de la pensée attaque la réelle identité et retarde la réalisation de la nature multidimensionnelle de l'homme. Elle entrave également la manifestation de ses facultés psychiques, alors que la perception d'impulsions créatives issues d'un territoire psychique plus subtil se voit contrariée et exhaustivement identifiée à tort. La perception libre de l'énergie pure de la pensée lirait les principes supérieurs et inférieurs qui assurent la conscience de l'être total et une protection contre l'influence astrale. L'âme et l'ego sous tension, surchargé tel qu'il est par la pensée non créative. Dépourvu d'accès à la sérénité permanente et nécessaire au flux et au reflux des forces de vie, l'ego attire des idées toxiques qui troublent constamment l'équilibre délicat de l'énergie du moi. L'inconscience qui en résulte est l'origine de la cause des ambiguïtés psychologiques qui entravent la réelle identité. Elle contraint l'ego à constamment ajuster sa réalité subjective, ce qui exerce une pression indue sur la psyché. Elle claquemure l'ego dans une structure mentale semblable à un ghetto psychique, dont il recherche constamment l'évasion. La pollution de la pensée écarte le moi inconscient de son territoire interne, divisant le moi et créant des contradictions au sein de son expérience. La pollution des idées est cruciale au maintien de valeurs idéologiques laïques ou religieuses au sein d'une civilisation où l'homme n'a jamais été incité à penser à partir de son propre centre. Elle porte le germe de la destruction de l'identité de l'être et ouvre la voie à des forces astrales correspondant à un déterminisme nihiliste d'inconscience globale. Elles isolent l'ego de son centre interne, et détruisent le noyau créatif inhérent à toute intelligence libre. Elles désinforment sous la guise d'une intelligence fictive, mettant en évidence les limites illusoires et l'incapacité du moi à intervenir librement dans le processus karmique de la vie. Les voies psychiques doivent être ouvertes afin de comprendre la conscience et de développer une position de force dans la civilisation contemporaine, dont les influences affectent le développement d'une conscience centrique. La pollution de la pensée est l'ultime contrôle du mental humain. La psychologie doit pénétrer la dimension psychique du mental afin que nous puissions bénéficier d'une compréhension plus approfondie de la science de la pensée. Le lien télépathique avec le plan mental élève l'entendement, au-delà des limites des facultés rationnelles, insuffisantes à ce que la nature des forces des vies occultes à l'œuvre soit saisie. La conscience en évolution doit prendre acte de la communication interdimensionnelle afin qu'elle puisse reconnaître que l'univers est un monde multidimensionnel dans lequel la matière coexiste avec l'âme et l'esprit. Cette relation ne peut être constatée que lorsque l'ego peut confronter objectivement l'inconnu psychique. La pollution de la pensée est corrosive et affaiblit la maîtrise qu'exerce l'homme sur sa propre vie. Elle accroît le pouvoir des forces astrales et diminue celle du mental supérieur qui sous-tend l'étoffe même de la conscience. La conscience demeure essentiellement expérimentale dans les confins du cycle karmique de la vie, ce qui explique la difficulté séculaire qu'éprouve l'homme à contrôler son destin. La pollution de la pensée dicte la réalité expérientielle de l'évolution de l'âme, jusqu'à ce que le plan mental supérieur ait été focalisé par une compréhension objective interne de la psychologie occulte de la pensée. Ce n'est qu'alors que l'évolution de la pensée permettra que se manifeste la conscience créative et individualisée et qu'elle libérera l'homme d'un processus répétitif et expérientiel qui fut son lot depuis la jeunesse de l'incarnation de l'âme. Le concept du moi doit être élevé à un niveau supérieur d'entendement mental, afin que soit facilitée la compréhension de la relation entre l'esprit, l'âme et l'ego. Cette relation crée une structure interdimensionnelle, pour ainsi dire, par laquelle des forces intelligentes actualisent l'énergie de la pensée à travers les implants de l'âme, ou de la mémoire, perçue de manière réfléchie à un niveau mental inférieur que l'on nomme ego. La relâche de l'emprise idéologique et religieuse sur le mental moderne a ouvert la voie à des niveaux records de pollution de la pensée, à un moment où les chantres médiatiques laïques font ressentir leur présence dans la vie de millions d'individus, les médias, ayant apporté une certaine forme de contrôle à l'encontre des abus d'ordre moral ou éthique, ont remplacé la pollution religieuse par sa forme laïque, ce qui promet d'accroître la dépendance psychique de l'homme à un niveau jamais convoité par les religions. La recherche d'un équilibre interne devient davantage difficile dans un processus qui tend à faire violence au mental, en proposant de l'informer alors qu'en réalité il ne fait que formaliser, à l'aide d'une machine gigantesque d'uniformisation et de manipulation médiatique. Libéré des idéologies doctrinaires du passé, l'homme moderne est pris en otage par des pouvoirs astraux portés à l'élimination de ses centres internes, par la création d'un processus réfléchi et sophistiqué de magie médiatique, à travers le son et l'image, adroitement employé à déformer la mentalité des sociétés modernes par la puissante incitation à la richesse et au pouvoir. La présence des médias est efficace, d'autant plus qu'elle détient les moyens de payer l'élite de l'industrie du spectacle, constituée d'acteurs, de comédiens, de chanteurs ou de sportifs, des sommes totalement incompatibles avec la valeur objective de leur art, dans un monde où la grande majorité se voit accablée par une relative pauvreté. L'ego décentré se voit davantage isolé de son moi intérieur, rendu hautement dépendant du son et de l'image, usage pouvant formuler un sens faux de l'identité à travers le culte des héros. La pollution de la pensée est désormais dissimulée sous l'étiquette hypnotique de la liberté et du succès, alors qu'un nombre croissant d'individus perdent l'esprit aux maladies mentales qui en résultent. En dépit du fait que l'homme connaît une plus grande liberté, ne serait-ce qu'en apparence, il demeure prisonnier jusqu'à ce qu'il ait appris à traiter avec la pollution de la pensée qui amortit sa sensibilité interne à l'aide de sensations offertes par la pollution astrale, présente dans l'industrie moderne du divertissement. Les idéologies religieuses ont pollué le mental à la mesure des idéologies laïques mais de manière différente. Dans les deux cas, l'homme a été séparé de son intelligence interne et séduit à l'idée de penser à partir de centres d'influence externes à sa propre réalité psychique. La liberté moderne, par rapport aux doctrines religieuses, a libéré un segment de l'humanité. Les idéologies laïques ont capturé l'imagination d'un autre. Les chaînons de cette condition seront rompus mais la période de transition donnera lieu à des excès confirmant le besoin d'un centre interne intégré de pensée. La vie contemporaine, avec sa révolution de l'image et du son qui accroît la pollution de la pensée, et le défaut d'un centre interne agissant comme bouclier protecteur de l'ego, unifié et intercausal, engendre le bombardement constant du mental par des impressions subliminales. La surenchère des médias engendre l'angoisse. L'ego est rendu responsable des conditions de ce monde mais n'a que peu de pouvoir pour le changer fondamentalement. Ceci accroît le niveau d'angoisse de l'individu et le rend plus réceptif à la pollution de la pensée, alors qu'il songe à un monde se trouvant en plus grande difficulté qu'il ne l'aurait constaté s'il n'avait pas été bombardé par la surexposition des médias. La pollution de la pensée accroît le sens propre de l'isolement et de l'impuissance, tout en lui donnant l'impression qu'il peut y remédier. Les médias peuvent certes contribuer à corriger certains abus flagrants dans le monde, mais la pollution de la pensée demeure à la hausse. Le malaise s'amplifie. Les plus grands pollueurs de la pensée sont les messages médiatiques, et des millions d'individus en subissent un lavage de cerveau quotidien, à travers leurs images et leurs sons. La méfiance envers le monde cause un état de suspension psychologique chez l'individu, alors que sa psyché demeure emprisonnée par une condition d'angoisse interne qui ne peut être soulagée que par le développement d'un centre interne de pensée. L'homme moderne vit avec plus, mais il vit pour moins. La raison en est que sa psyché est endormie par une industrie puissante et sophistiquée qui accroît intentionnellement ou non intentionnellement son sens de solitude et d'impuissance. L'usage astucieux de l'image et du son fait beaucoup de bruit pour rien sur l'avant-scène du succès, alors que la majorité est laissée pour compte. À rêver sur une vague admirer ses héros, dont l'idolâtrie rappelle celle des anciens. Le syndrome des vedettes isole l'individu de lui-même comme jamais auparavant, ne faisant qu'accroître son sens de frustration. La pollution de la pensée, créé par bon nombre de ces soi-disant vedettes de l'industrie du spectacle, a une telle portée que même l'individu le plus résistant risque d'y perdre son identité, étant dépourvu d'un centre interne de gravité. Peu réussissent à sauver ce qui subsiste de leur réalité, ne serait-ce que par un isolement volontaire, à l'écart des franges de la société dite « à la mode », les millions accumulés par le monde du spectacle sont en voie de créer un commerce de servitude, voué à faire du mental une scène sur laquelle l'art est sacrifié à un prix, sous l'étiquette de la liberté d'expression. Les gouvernements, faisant montre d'un manque de volonté politique, ont subi la pression des attitudes libérales dans les années 60, alors que le problème de la drogue était encore à ses débuts. Une génération plus tard, ils évoquent la guerre contre les drogues et commettront encore la même erreur lorsque confrontés au problème de l'art satanique ou de ses autres formes de sombre manipulation, protégées par la liberté libérale. La pollution de la pensée est aujourd'hui un fait de la vie, encore plus que jamais auparavant. Une fois informés, nous réalisons le problème gigantesque auquel l'homme est confronté devant cet ennemi invisible. La réponse ne réside guère auprès des sociétés ou des gouvernements mais bien en l'individu lui-même. Il se retrouve lui-même dans la ligne de mire. Il s'agit de sa propre identité, qui doit être récupérée. Lui seul peut travailler sur lui-même. Personne ne peut le faire pour lui et personne ne le fera. Chapitre 11. Les cultes et le contrôle mental. Les cultes sont l'indice des forces de division présentes dans le monde contemporain de l'homme, embryon d'idéologies spirituelles et politiques au cours des civilisations. Ils se sont éteints pour la plus grande part, alors que d'autres se sont développés et ont proliféré au cours de périodes d'aliénation accrue, alors qu'une identité politique et religieuse dominait les plus faibles personnalités. Certains ont apporté un réconfort moral et spirituel par la création de valeurs consacrées par le temps. Ils perdurent jusqu'à nos jours dans les religions universelles du monde, issues de la vie et de l'œuvre d'initiés dont les destinées correspondaient aux besoins de l'humanité à un moment précis de son évolution, et dont les attributs jaillirent des profondeurs de la contemplation des mystères. D'autres cultes constituent un viol regrettable de la dignité humaine et doivent être exposés pour ce qu'ils sèment. Alors que les religions classiques, voire leur version moderne perdent de leur attrait, les cultes gagnent en popularité, en raison de leur profil marginal et de la qualité hermétique de leur culture. Qu'ils soient d'ordre psychique, religieux, politique ou commercial, ils constituent une menace potentielle à l'identité personnelle, même lorsqu'ils clament la liberté individuelle. Beaucoup a été dit et fait au nom de la liberté. L'histoire la réclame et la réelle liberté est difficile à atteindre, et une grande lucidité mentale est requise afin que l'on puisse y parvenir et se l'approprier. Aujourd'hui, les religions sont supplantées par une variété de cultes d'une nouvelle espèce qui envahissent et perturbent la conscience à l'aide d'idéologies astrales puissantes, et parfois sous la direction douteuse, de maîtres, opérant sous couvert de l'inspiration. Certains cultes vont jusqu'à s'emparer de l'identité individuelle, invitant les membres naïfs à penser en des termes qui menacent leur équilibre psychique. En bien des cas, ils affaiblissent l'identité personnelle, la sacrifiant à une forme collective de connaissances qui supplante et élimine lentement les ressources internes de l'individu. Le mental ne peut alors plus opérer à un niveau créatif, se voyant confiné à des idées qui encouragent les illusions hermétiques. Lorsque la dépossession de soi-même mène à une expérience de culte, l'ego se trouve au point le plus éloigné du moi et au point le plus périlleux de son développement personnel vers une évolution consciente. Les membres, souvent incapables, par abus de conviction, de voir les motifs astraux du culte, mettent leur identité en péril en adhérant à des systèmes de croyances dont la fonction première est d'imposer un état de soumission psychologique à une doctrine qui a servi l'esprit humain, faisant vibrer les forces de l'âme aux dépens de l'intelligence créative. La conscience de culte amorce, à différents niveaux, une forme de servitude mentale, sous le présage de l'habile disposition d'idées mises au profit d'illusions intéressées. La qualité idéologique des cultes, interpellant le profil psychologique et psychique de l'individu, transmet à l'être émotif un sens qui satisfait son angoisse fondamentale, nourrissant à la fois la convoitise et la domination du culte. Les cultes s'employant au lavage de cerveau et à la reprogrammation, portent atteinte à la résistance psychologique de l'ego, de manière à implanter de nouvelles valeurs dictées par des idéologies affirmatives qui menacent la ligne de vie en soi de l'évolution individuelle vers la conscience de soi. De telles activités sont périlleuses et mues par des forces astrales occultes et qui tentent de dominer le mental par la manipulation de la personnalité. Ces forces sont fort présentes dans la conscience de nombreux meneurs de culte, sous une subtile forme de possession, suffisamment dissimulée en vue d'éviter toute interrogation portant sur leur équilibre mental. Certains cultes voient leur pouvoir s'accroître grâce à leur profil hermétique. Toute organisation s'appuyant sur le secret et l'endroit de leur politique fondamentale, à titre d'exemple, risque d'astraliser ses activités aux dépens de la liberté du mental. Le secret est un outil utilisé par les forces astrales, en vue de mener ses adhérents vers la déception à court ou à long terme. Le secret est dangereux du moment où il sert le pouvoir, car cela implique que les membres d'un culte ne sont pas suffisamment intelligents pour juger par eux-mêmes de la validité de l'orientation du culte. Si les adhérents étaient conscients ou du moins éveillés aux conséquences du secret au sein de leur vie, ils fuiraient par essaim et jamais n'adhéreraient à certaines organisations machiavéliques qui paraissent intègres mais qui sont, en fait, profondément anti-homme, anti-liberté et anti-réalité. Les forces astrales utilisent les cultes insidieusement afin d'élever leur pouvoir vibratoire sur le plan physique par la fracture des facultés critiques personnelles, seul outil pouvant assurer une perspective vers le développement éventuel d'une identité créative et libre. L'homme inconscient est déjà fort astralisé et affaibli, étant dépourvu d'une identité réelle. Lorsqu'il intègre certaines organisations, son mental devient la cible de puissants agents astraux pouvant neutraliser sa capacité à demeurer objectif par rapport à lui-même. Les cultes exposent l'individu à des forces psychiques par la manipulation de ses émotions. Plus la source est négativement astrale, plus puissantes seront leurs suggestions subliminales, et plus fallacieux sera le subterfuge. Notre monde moderne entretient la fièvre des cultes à un degré étonnant. Le besoin de satisfaire la soif d'expériences non conventionnelles et d'identification à une variété d'idées fascinantes est sur le point d'atteindre des proportions qui menacent d'engendrer, avec le temps, un effet débilitant sur l'esprit de masse ainsi que sur les mentalités individuelles. Le tempérament mercantile américain risque d'accroître le pouvoir propagateur de certains cultes, au détriment potentiel du processus démocratique et de son dévouement à la question des droits humains. Le phénomène des cultes, en Amérique, est en voie d'atteindre des proportions qui menacent de se transmettre, éventuellement, aux arènes politiques et économiques. Certains cultes convoitent le pouvoir politique, alors que d'autres sont voués au développement d'un contrôle commercial à sa base, suscitant l'allégeance des consommateurs. D'autres ont institué des formes de connaissances spirituelles ou occultes à travers un contact subliminal ou direct avec le monde des esprits. Dans les pays plus libéraux, certains cultes organisés tirent profit, sans scrupules, des lacunes législatives et de lois laxistes en vue de renforcer le maintien qu'ils exercent sur leurs adhérents. Ce n'est que lorsque des tentatives excessives de lavage de cerveau sont exposées à l'attention publique que la société agit, en vue de restreindre ou de mettre fin au viol des droits humains, souvent trop tard, alors que l'inertie libérale se traduit en faveur de la prolifération de ces organisations. La personnalité spirituellement naïve est, par nature, attirée par les cultes. Ces derniers inculquent des valeurs fortement renforcées par le groupe et leur maître. La désinformation psychique, voire la déformation s'ensuit lorsqu'un maître crée ou établit un système de croyances dont le dessin astral ne peut être évalué objectivement par l'adhérent de ce groupe, étant dépourvu de ressources internes, emporté par un renforcement de groupe et magnétisé par les effets psychiques de ces nouvelles croyances sur le mental. La personnalité est lentement et inconsciemment prise en charge par des entités qui en viennent à exercer une forte influence sur le moi réel, empoisonnant ainsi le mental. La pollution de la pensée va de pair avec la pollution astrale des cultes. Le niveau de pollution de la pensée augmente selon l'étendue de leur pouvoir, jusqu'à ce que les leaders eux-mêmes en perdent leur propre identité. La pollution de la pensée s'accroît imperceptiblement jusqu'au moment où ses membres en viennent à réaliser que quelque chose a mal tourné. De telles observations ne procèdent pas habituellement des maîtres, ayant pu s'écarter eux-mêmes de l'intention originale, mais bien des adeptes susceptibles de ressentir qu'ils ont peut-être été attirés dans un maelstrom d'expériences ayant dévié vers une direction inattendue. Les cultes encouragent la soumission à des forces astrales pouvant, en bien des cas, donner suite à des réactions paranoïaques, par rapport à des menaces externes réelles ou imaginaires. La paranoïa est à la mesure du degré de marginalité du culte, jusqu'à ce que les maîtres et les adeptes tombent sous l'influence d'un besoin imaginaire de protection armée. Certains membres de culte se font soldats, non loin de se transformer en milices. À ce stade, La paranoïa devient le profil psychologique général, et le culte dérive vers un théâtre périlleux de figurants piégés et confrontés à la difficulté grandissante de retenir le peu d'identité qu'ils ont pu avoir, précédant leur manipulation vers un tel rôle collectif. Certains cultes imprègnent profondément et durablement la personnalité, à l'aide de puissants courants astraux animés par leur maître. Lorsque le mental se voit encadré dans une structure hermétique, il perd sa centricité et adopte, avec enthousiasme, des perspectives qui d'emblée, semblent offrir une vision attrayante de la réalité. Le maître paraît particulièrement fort et imposant, contrastant avec les plus faibles personnalités, ce qui lui accorde une aura d'autorité qui méduse l'adepte, le rendant incapable, par la crainte, de défier celui qui aura su créer une fixation psychique et suprématie. Certains cultes enlèvent littéralement leurs membres pour en extraire les dernières ressources. De telles organisations ne tendent pas à libérer ceux qui viennent à eux en toute confiance. Elles ne tendent pas à émanciper, de leur propre chef, ceux qui y ont cherché refuge. Certains ont développé l'art de l'enlèvement à travers la possession et l'ont affiné à l'aide du canevas législatif, à la cadence des droits constitutionnels, d'amendements législatifs, voire de pures menaces. Les cultes engendrent des égrégores dans le corps astral et imprègnent la personnalité d'une structure mentale rigide projetant la réalité humaine comme un programme de pensée mécanique et omniprésent, qui affadit toute sensibilité aux centres internes de la personne. Ils détruisent le potentiel créatif de l'identité propre et y substituent des paramètres illusoires de la personnalité qui augmentent la dépendance du moi envers des forces astrales qui magnétisent facilement le mental naïf. Ils recèlent un pouvoir unique, ayant pour effet de diluer l'image de soi en amplifiant l'importance de l'autoportrait. Ils conditionnent le mental et cultivent les pouvoirs du plan astral aux dépens d'un plan mental supérieur. Les cultes ont le pouvoir d'interférer avec l'équilibre psychique de leurs membres, en créant des modes de perception souvent irrésistibles qui, par inadvertance, confinent l'ego à une forme de servage dont il serait libre si seulement il lui était permis de dévier vers sa propre réalité. Les cultes fascinent par l'exaltation de sentiments internes qui compensent un manque d'identité solide et centrée. Ils offrent une identité fictive fondée sur le besoin d'appartenance, plutôt que d'aider leurs membres à réaliser la plénitude et la qualité d'autosuffisance de leur propre identité. Suite à une expérience de culte, il est fréquent que les anciens membres en viennent à reconnaître les illusions qui les ont introduits avec de telles organisations, renforçant la conviction heureuse et chèrement payée, que le fait de dévier trop loin de soi-même risque d'être périlleux pour la santé mentale et émotionnelle. Il est souvent difficile de supporter seule la rudesse de la vie et de ses problèmes fondamentaux. Le culte permet l'adhésion à un programme qui promet de traiter avec de telles sensibilités existentielles, dont l'autosuffisance ou les avantages personnels. Dans l'expérience, en revanche, on en vient à réaliser que le culte est une béquille qui doit être écartée afin que soit comprise la vie réelle. Les cultes psychiques, par exemple, peuvent paraître inoffensifs à la personne spirituellement naïve, mais constituent en réalité de subtils pièges qui entraînent un état de servitude astrale envers le monde de la mort.